50 languages. 32. 32. فالمطعم 4. Au restaurant 4. Au restaurant 4. صحن بطاطا مقلية مع صلصة البندورة. Une portion de frites avec du ketchup. Une portion de frites avec du ketchup. وصحنان مع المايونيز. Et deux avec de la mayonnaise. Et deux avec de la mayonnaise. وثلاثة مع نقانق مقلية وخردل. Et trois saucisses grillées avec de la moutarde. Et trois saucisses grillées avec de la moutarde. ما هي الخضروات التي لديكم؟ Qu'est-ce que vous avez comme légumes? Qu'est-ce que vous avez comme légumes? ألديكم حب فاصوليا؟ Avez-vous des haricots? Avez-vous des haricots? ألديكم قرنبيط؟ ألديكم زهرة القرنبيط؟ Avez-vous du chou-fleur? Avez-vous du chou-fleur? أحب أكل الذرة. J'aime bien le maïs. J'aime bien le maïs. أحب أكل الخيار. J'aime bien le concombre. J'aime bien le concombre. أحب أكل البندورة. J'aime bien les tomates. J'aime bien les tomates. أتحب الكراثة أيضا؟ Aimez-vous aussi le poireau? Aimez-vous aussi le poireau? أتحب مخلل الملفوف أيضا؟ Aimez-vous aussi la choucroute? Aimez-vous aussi la choucroute? أتحب العدس أيضا؟ Aimez-vous aussi les lentilles? Aimez-vous aussi les lentilles? أتحب أيضا الجزر؟ Aimes-tu aussi les carottes? Aimes-tu aussi les carottes? أتحب أيضا البروكلي؟ Aimes-tu aussi les brocolis? Aimes-tu aussi les brocolis? أتحب الفلفل الأحمر أيضا؟ Aimes-tu aussi le poivron? Aimes-tu aussi le poivron? لا أحب البصل. Je n'aime pas les oignons. Je n'aime pas les oignons. لا أحب الزيتون. Je n'aime pas les olives. Je n'aime pas les olives. لا أحب الفطر. Je n'aime pas les champignons. Je n'aime pas les champignons.